Vendredi 8 février 91, plus passé 50 000 monde devant Fort Dimanche pour célébrer, pour songer toute victime Makout. 8 février 91, papa haïtien levé campé et puis monsieur songer. Et puis monsieur dame yo songer. M'était là dans Fort Dimanche. M'tal songer moi pas mieux et me rencontrer avec des centaines de milliers de parents de victimes et aussi de rescapés. Alors comme bagay la beaucoup fini, nous demandons radio dans Radio Haïti pour un comité qui en 87 te commencé sembler moun pour yo pas oublier. Et il est justement comité pas oublier. M'y là avec moi, Bébé Arto, Ralph Allen, Guylaine Bouchereau, qui était dans le comité Pabli en 87, et qui, à Nessa, gagnait 2-3 petits bagailles que vous avez même parlé avec l'auditeur Radio Haïti. Vous avez un petit plan dans Diakoutio. Alors, moi-même, je suis là pour me réveiller plan, ni pour me révéler plan, je vais la parole. Bébé, est-ce que vous êtes capable de dire sa question Fort Dimanche la représente pour ou même que me connais qu'un mounou qui était mouri en bas du valier? Sa question Fort Dimanche la représente pour ou bébé? Pour moi, Fort Dimanche là, son baril extraordinaire, très bouleversant. Fort Dimanche, c'est pas seulement pour moun qui était prisonnier ou mourit Fort Dimanche. C'est pour tout moun qui mourit. Nan martyr, nan crime, sous Duvalier. C'est un monument qui est un symbole de l'horreur. Et une horreur que nous parlons vivre encore. Et hier, l'homme de là-bas m'a songé, petite pamio, m'a pas contre côté la gueule. M'a remé un jour mal crié sous côté de l'intérieur, m'a pas contre elle. Donc, c'est Fort Dimanche pour m'vin crier à toute l'autre là. Pour vous, Fort Dimanche, son lieu mythique en même temps que son lieu réel. Exactement. Mm-hmm. Et on dirait que l'Europe marchait là dans l'île, ou presque tant des cris souffrance, mon là, ou tant des martyrs. Et quand on met le pied, on dit, qui sait, c'est peut-être là, zoyoye. Vous comprenez? Alors ça, c'est un bagage qui était bouleversant pour tout le monde. Parce qu'au talet, ou même tout, 8 février, vendredi, ou talet, Fort Dimanche. M'aller Fort Dimanche. M'aller pour m'allouer, pour me rencontrer ça, qui a crié avec moi. Yo. Pour nous, ouais, partant de ça, kounyea, qui gens nous parlent, organiser nous, pour ne pas oublier ça qui est passé en Haïti pendant toutes ces années. Ralph, ou même tout, ou t'es dans le comité Pablié en 87 là, et ou dans le comité Pablié Kouelier, Ralph Allen. Ou t'as le Fort Dimanche, vendredi? Non, moi-même, je pas le Fort Dimanche, pour d'abord parce que j'ai l'impression que là, tu as débordé. Et comme de fait, j'ai raison, elle a débordé, tu as trop de monde. Et ça que nous avons envie de faire Fort Dimanche là, c'est un bagaille dans Ren. Moi, un certain hommage qui sont qui assez solennel, que me pensais que ça méritait une organisation beaucoup plus profonde, et moi j'étais hésité à aller à l'aventure en ça long bail côté que me pas ta gain fait ça pour d'affaire font visite tranquille. J'ai l'impression à plonger douette on pour plonger douette, mais parce que dans la poursuivre nous dans interview ça dans tirer aller ça dans longer douette comme ça doit. Comme vous pouvez aller, nous avons même de Guylaine Bouchereau, s'il était là vendredi. Non. Non, je ne pas aller parce que Fort Dimanche, pour moi, c'est tombeau, papa. Et tout le monde qui t'a parlé là, tout le chanté, je connais, t'a organisé. C'est pour moi une sorte de folklore qui ne fait pas envie de partager du tout expérience ça. Tombeau, papa, oh, Guylaine. Fort Dimanche. Bon outil détail. Tombeau, papa, en ce sens que l'œil était arrêté. Comment Jean Bouchereau. L'heure est arrêtée, nous connaissons le Fort Dimanche. et nous pas jamais gain trace de lui depuis. C'est seulement après la chute de Duvalier que était annoncé nous que le même jour, il était fusillé en même temps que tout l'autre ancien militaire que était arrêté jour ça. Qui donc 26 avril? 26 avril. Fameux 26 avril là. Voilà, exactement. Mmh. Et au même Ralph, ou t'es gain monde tout? Non, moi-même moi t'es gain mon oncle qui était fait partie de groupe 13 jeunes Haïti. Qui était débarqué Miloudouin, qui était débarqué dans environ Jérémie dans le sud, et ça te cause que toute branche maman disparaît sous Duvalier avec mari, femme, etc. Que maman c'est seule survivante de famille pâle. Donc maman son fille Douin. Douin. Mm-hmm. Donc nous trois qui chita là, nous trois gagnons. Un morceau douleur pour nous partager. Quitte les bébés, quitte les Ralph, quitte les Guylaine. Et c'est dans un morceau douleur ça que nous t'es semblé en 87 avec un dalot moun qui t'es gagné même cas, qui t'es gagné un morceau douleur pour le partager. Nous t'es chité ensemble, nous t'es fait comité, pas oublier bébé. Bébé, combien t'es le ça en 87? Bébé Arthur. Moi pensais que nous t'étais pensé que nous t'étais jusqu'à une centaine, mais nous t'étais passé 50 là, hein, qui t'ai signé une proclamation, qui t'ai déclaré que nous pas voulait que ça recommence encore et que nous voulait perpétuer souvenir martyr là yo. Et nous t'ai aussi déclaré qui ça objectif comité pas oublié, hein. Tapier, nous t'es même allé dans qui j'en ai pas le faire, t'es même des projets de formation, de comité pour organiser ben là comme ça doit. Alors 50 moun ça a été dit, c'est toutes ces 50 moun qui t'es gagné un morceau douleur pour partager avec Frère Laxelio. Absolument. Moun ça a non seulement yo t'es joignu à nous, mais yo t'es signé un papier, yo t'es indiqué qui monde que tu as perdu. Un petit peu, pas beaucoup dans quelles circonstances, parce que nous pensons que c'est l'un d'avoir fait exposition, que tout bas ça est ressorti, mais il y a des bails autorisation tout, pour le comité à utiliser déclaration. Yo. Autrement dit, si nous te les rendre public, que dans la radio, que dans la télévision, que dans le journal, le comité a été bien droit fait état de cela. Et évidemment, exposer photographie yo, le moment à venir. Qui donc, déclaration ça, c'est comme qui dirait déclaration fondal natal, comité pablié. C'est sous base déclaration de parents victimes avec rescapés que nous toutes nous t'es décidé fonder comité pablié pour nous capables pousser devant avec objectif que déclaration ça a été défini. C'est ça, me comprendre. Exactement. Et ça a été fait en mai 1987. Bon, je t'ai décrit. Il t'a décrit tout qui activité, qui objectif nous avons gagné. Premièrement, tu as gagné une exposition de photos. Deuxièmement, un album de photos yo, avec toute littérature que nous sommes capables de joindre pour nous publier sous lit. Troisièmement, nous avons fait un jardin du souvenir, côté un pied-boîte à planter pour chaque victime que nous identifions avec nom écrit sous lit. Et jour ça même, nous t'ai décidé que nous t'apprêlons organiser une campagne pour que le 26 avril décrété comme journée nationale contre la répression. Depuis donc c'était 87, objectif, pas nous. C'était objectif, en pas nous. En mars 87. Mai 87. En mai 87. Nous songeons que dans Radio Haïti, dans l'autre radio, et puis dans le journal, t'es une série d'annonces. Une série de parutions qui t'a attiré attention sous comité pas oublié songer slogan bail oublié poté max songer. Oui, déjà nous t'ai commencé une campagne bébé. Oui, campagne là t'ai commencé sérieusement, nous t'ai fait des appels et aussi par contact personnel monde qui connaît monde et c'est comme ça nous t'ai commencé à accumuler un dossier assez important. Qui était organisé, préparé, photo yoté même reproduite dans un format standard et classé pour préparé une exposition que nous t'ai pensé nous t'a capable faire en 87. Mais comme on connaît, situation 87 n'a pas de clair du tout. Depuis, bon, nous fondé en mai 87, en juin, grève commencé, monde tué, ou quantité bagaille. Donc, nous demandons, est-ce que c'est le moment pour nous faire une provocation comme ça, puisque nous rendons compte à ce moment-là, côté CNGA, t'as bralé, comprendre. Donc, c'est bien, c'est pas Duvalier encore, mais si nous t'avons fait une exposition, nous t'avons risqué de mettre local côté exposition en fait en danger, famille monde qui exposé portrait en danger, et visiteurs et tout, parce que si elle voit un bon mot, ben on n'a pas qu'à prendre responsabilité morale de ce genre. Bon, là nous t'ai décidé en mai à nous pas de quoi gagner situation cela, vous comprenez. Donc nous renvoyer à une date ultérieure puisque élection t'a pas le fait et nous dit l'élection fin faite, le gouvernement établi. À ce moment-là, n'a pas organisé exposition comme se doit et ça va bon nous temps pour nous rassembler plus de matériel. Vous comprenez? Organiser le bien parce que son bagage nous t'avait fait et qu'on nous toujours les fait parce qu'on a fait lui. Si bon Dieu veut. Avec solennité, avec respect pour les morts. Vous comprenez? Nous voulons que tout le monde capable de participer, même ça qu'à l'étranger, qui était une famille qui mourit ici, même diaspora, par exemple, petite, moi, Donc, son baraque qui pour une fête de famille à tous les niveaux économiques, social, politique. Pas compter, non, pas une question de partisanerie, c'est pour toute, comment dirais-je, idéologie capable de participer là-dedans. Justement, c'est Haïti qui a reconstruit. Justement, à ce sujet-là, je vais poser, Ralph, une ou deux questions. Et bébé dit là que politique, pas de gain pour entrer là-dedans. Qui position sous question ça? Parce que je connais qu'en 87, en dans le comité Pablié, tu as gagné des tendances qui n'ont pas d'accord avec l'autre. Sous question politique ça et peut-être que différence ça yo paraît année ça Ralph. Bon c'est clair que même sous pas faire politique en fait ou pas faire politique mais il se trouve que comité Pablien t'a rassemblé toutes victimes du valériste, les militants, les martyrs, les innocents et même les accidents, il y a des monde qui mourit parce que était dans la rue, leur t'a tiré l'autre monde, il prend par accident. C'est des monde qui là pour des raisons différentes. Donc nous pensons que vu pluralité de martyrs ça yo, il fallait respecter les principes de chaque monde. M'a veut dire que c'est moi qui ai raison, son l'autre qui a raison, mais il vaut mieux rester neutre, respecter parce à ce moment-là, on a la participation de tout le monde. Neutre, mais quand même, vous ne m'avez pas comprendre, parce que mon comité pas oublié, sous victime du valériste, lui impliquait que le comité a anti du valériste. Bon, c'était clair que c'était ciment qui était uni, non? Et que nous pensions que c'était un bagage minimum, un consensus minimum sur lequel tout le monde était établi, que nous ne voulions que ni du valériste, ni séquelles du valériste recommencer, que ce soit sous quel que soit gouvernement qui t'a venu à l'avenir. Donc, on était pratiquement contre la répression en général. D'où qu'elles viennent. Et c'est sous ça que j'ai l'impression qu'entre autres, gagnent des yin-yang qui étaient partis. C'est pas que moi a fait du feu boulé. Vous m'avez ce métier. C'est métier pour me capable fouiller zone dans Kalalou. Pas fait du feu boulé, fouiller zone dans Kalalou. Même j'ai l'impression que là gagne un problème qui chita. Et qui vient paraître dans le comité Pablié, comme qui dirait que le problème n'est pas qu'à joindre dans l'autre domaine dans la société civile, là, mais il vient paraître dans le comité Pablié tout, Ralph. Oui, et je pense que là, son apprentissage de la démocratie que nous avons fait dans le comité Pablié, hein, c'est que nous avons des mondes d'horizon différents, où nous venons avec opinion PAM. Par exemple, nous pensons que grand monde qui te dit qu'il fallait inclure militaires qui étaient morts sous Duvalier, que il y a des autres monde qui dit non. Moun sa c'était des bourreaux que yo était que faut nous pas mettre yo avec des victimes que mélangeant li pas bon. Nous dit bon et bien n'a voté. Moi pense que moi-même tout militaire qui était mouri sous Duvalier c'est autant de victimes. Moi t'ai voté pour mais l'heure que ba elle a passé au vote que la majorité t'ai voulu que moun sa yo pas là, Moi, dit, je ne suis pas d'accord, mais je m'incline. M'accepter, parce que c'est un principe, c'est démocratique, que nous voter pour majorité. Mais il se trouve que maintenant, l'heure qu'on y a, nous venons décider qui ça n'a fait son acte politique que nous allons poser. Et il y a eu des gens qui disent que, mais nous avons tombé toujours, et nous allons tomber encore. Il faut nous inclure, nous ça yo. Alors, il y a eu deux camps qui fait vraiment des gens qui disent, ah, il y a des gens qui nous prennent photo dans la main, nous te dit, n'a prêté à Duvalier. Il y a des autres qui disent, non, mais Duvalier continue, faut que nous longer, bah, là, après Duvalier. Il y a eu un vote qui vient faire sur ça. Côté que, finalement, la majorité, t'es venu d'accord que André était à Duvalier toujours pour nous faire ça, avec une ouverture possible pour de futures références sur l'autre victime qui tombait 26 avril 87 et 86, etc. Et puis là, elle n'est pas d'accord. L'équipe qui n'est pas d'accord, vient dire ah, et que si c'est comme ça, bah, comme ça, nous ne pouvons pas faire, nous virer d'eau. Et puis, il y a eu un problème qui a été créé. Et il y a eu, donc là, nous avons demandé, on est bien, nous faire des statuts, nous voter des statuts. Parce que, bon, nous allons prendre une grande ampleur, nous allons gagner des fonds que nous allons demander à l'extérieur, qu'il faut que ça soit bien organisé. Et c'est à partir de là qu'il y a eu, bon, l'enfigurement, ça serré boulon nègre, et qu'il y a eu tous ces autres problèmes qui viennent faire que Baïla te vienne faire camper en attendant un moment plus propice. Bon, Baïla te vienne faire camper, mais nous avons aimé à Pidouvan à faire camper ça. Parce que. Ou même, Guylaine, qui te position dans deux lignes que me comprenne là? Qui te position et qui réaction bagay ça a te gagné sous ou dans pratique comité A en 87? Comité A te vin campé parce que un peu moun te refusé signer statut comité A. Parce que statut yo t'est limité à activité comité A. Et moi-même, j'étais très ferme sur ça. Il fallait que nous te signale pour que nous pas déborder dans des bagailles qui pas trop garder nous. Quand on tendance, on partit dans le groupe latéyé. Et j'étais très ferme et heureusement, la nouveauté majorité a été d'accord pour signer statut signé. Et ça qui pas signé yo, t'est de eux-même dit yo pas fait partie de bail ça encore. Ah bon? Absolument. Et curieusement, moun sa yo pa fait partie de Baïla, verbalement, yo tourne de temps en temps, et yo comprenne que c'est yo qui à nouveau porte-parole comité Pabli. Ah, nous arrivons dans une question alors. Voilà. Gagnez donc, d'après où, après un vote majoritaire, d'après ça, me comprenne de où là, après un vote majoritaire, c'est une question essentielle, puisque question statut, c'est concours. La loi mère d'une société, d'un groupe, d'une association. Donc, il n'y a pas d'accord sur statut. Et puis, leur majorité a voté statut, ils ont même viré de l'eau. Mais depuis lors, il a essayé de rentrer encore. C'est ça. Absolument. Je vais vous donner une petite précision à propos de majorité. Ça. Faut me dire qu'à partir du moment où tu as une tendance politique active, militante, qui t'est venu créer là-bas, il y a des gens qui disent que ça va pas intéresser encore, ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. Il y a des gens qui viennent abandonner la réunion que nous avons fait. Bon, ils sont là, mais ils ne sont pas là, actifs. Mm. Donc, c'est gen, un minimum de gens, de comités de cinquantaine à centaine de gens qui sont venus. Hein. Il y avait des gens qui étaient là régulièrement, et c'est à partir de peut-être vingtaine de gens que nous avons, que la majorité sortit de réunion côté de nous. Mais ce n'est pas la majorité de original, tout le monde. Que, voilà. Parce qu'il y a des gens qui étaient en cours de route, qui étaient dit, ah, ben la vie est droite là, et que. Il n'y a pas la donne. Pas la donne. Mm. Bébé. Oui, ça me te voulait dire, c'est que. L'un, ça te poussé nous, plus pour nous faire statuio, c'est que à partir du moment où vous voulez changer objectif originaux dans la proclamation, mais estimer nous pas gain droit pour nous changer yo sans nous pas convoquer 50 ou 100 moun à l'origine qui t'ai signé papier parce qu'officiellement yo membre comité pas oublié et si n'a changé position faut que au courant faut que dit nous si yo d'accord avec changement de position hein, ou si yo pas d'accord alors nous dit faut que nous convoquer une réunion l'assemblée mais pour convoquer une réunion l'assemblée faut qu'on gain statut faut que tout bagaille expliqué clairement qu'on pas dit qu'il dit nous pas un statut du tout. et gon l'autre qui fait statue, mais de façon telle que li trop flou, ou gen doit ajouter nos objectifs là, ça ou vle, et yon groupe de nous dit non, c'est pas qu'on sort au fond statue, faut objectif yo bien défini, avec yon paragraphe qui permet aussi, yo jugé nécessaire plus tard, de proposer de nouveaux objectifs, mais de les proposer à yon assemblée générale qui démocratiquement pral décider est-ce que la suive ou est-ce que le pape suive. Si alors c'est là l'idée. C'est là l'idée là devenir en 87. Si me comprendre bien au-delà de questions de statut nous et surtout d'après ça Ralph Allen Feck glissé là non marché n'a pas marché en 87 sous affaire comité pas oublié vinn une tendance moun que nous-mêmes nous croyons que tu voulais faire d'appuyer ce comité. Bon. Et qui provoquait une réaction de la charge et d'abandon d'une série de monde qui pas venu pour ça. Je ne suis pas aussi radical en disant que nous avons fait d'appuyer. Je pense que il y a des gens qui ont des options politiques déterminées et que qu'ils agit en fonction de ligne politique. Ça. Qui peut-être pas politique, pas moins. Donc moi-même je dois pas d'accord avec l'in politique ça. Mais c'est pour ça que nous t'es passé à des votes parce que me passé de vote majoritaire vinn bay un guide qui reflétait opinion ensemble de groupe là, moun pas obligé d'accord sur tout bay yo. Mais il y avait un militantisme qui était évident chez certains moun mais qui pas reflété toute option d'ailleurs parce que quand on te dit depuis le départ, il y a eu des morts à droite comme à gauche et qu'il fallait respecter esprit pour lequel moun sa yo te mouri et c'était sacté ciment de toute baï sa yo c'était des moun qui étaient victimes de un régime donc m'pa ka dit que son dapien t'a fait moun yo t'a poussé opinion pa yo mais ça a été soumis à un vote tan yo t'a poussé opinion pa yo ça qui un droit fondamental pour tout citoyen mais question non c'est une question méthode. L'a poussé opinion pau parmi moun côté d'accord à l'origine pour chita ak yo pour river faire yon bagay ensemble. Si ou poussé opinion pau que l'autre moun pas d'accord, gen yon problème là si ou même ou pas d'accord pour l'autre moun yo pas d'accord. C'est ça problème pam. Exactement. C'est exactement oui, ça. Ça, bah, elle a été passée. À partir du moment où majorité a décidé certains bagages, certaines initiatives que le comité a tapé le point, il n'y a pas d'accord, il a bloqué réunion, et là, il a retourné pour nous continuer réunion de gain avant. Comme il n'y a pas de là, il a fallu remettre en question chaque fois, chaque bagage, ce qui expliquait que nous n'avons pas de jambes capables d'avancer. Donc là, il y a une espèce de blocage. Mais Ralph, vinn glisser en bagaille là c'est que entre temps vinn gon phénomène d'abstentionnisme de des monde qui était là avant et puis crason qui était ça parce que yo pas vinn pour ça Ralph est-ce que c'est pas sous ça abstentionnisme ça petit groupe ça t'es capable baser pour refuser incliner devant une nouvelle majorité Ralph bon en fait on croit que principal problème là c'est une affaire de vision politique. Vision politique d'abord qui d'une part on te gain qui ça t'a fait qui combien monde qui t'est mort sous Duvalier et grand un militantisme un activisme que me pas mettre en question chaque monde libre de activisme mais qui ne faisait pas partie de idée originelle qui t'est réuni tout ça l'activiste avait dit que victime Duvalier Richaud c'est dans tel groupe politique seul yo t'est sorti c'est ça qui idée qu'on te gain impression que monde t'a défendre là. Non, moun pas les moun gen des moun qui te vinn défendre mort pa yo. Mais en même temps que te gen mort pa yo, gen de l'autre moun qui te gen des mort pa yo qui pas partager opinion sa yo. Donc dans la mesure où ou voulez faire revivre mort pa yo activement et continuer faire militantisme, moi pense que c'est dans des partis politiques que ça fait, pas forcément non comité pas oublié qui quand comme dit dit réunit des morts de la droite, de l'extrême droite et de la gauche, de l'extrême gauche qui te gen tout un amalgame qui pas ka gen une idéologie. Parce que amalgame de victimes ça yo ils ont été tous des victimes mais yo pas ou pas capable faire des actions politiques dans le présent au nom de moun sa yo et en plus de ça tout gain des victimes de Krasezo Makout du Valéris là qui va faire politique. Il y a des monde qui t'a passé dans la rue qui mouri. Il y a des monde qui mouri. Il y a pas pour qui ça. Il y a des monde qui mouri parce que Gon Makout ou bon gros chef politique qui t'a voulu voler Kayo. Non. Ou prend bien yo et ça ça clair ça donc un paquet de victimes de Duvalieris habitants yo par exemple comme moi connais dans Bocozel pas vrai côté Zakari Delva te veut faire d'appiant sous tes habitants yo habitants pas de aucune couleur politique et puis Zakari voye Makout li écraser li écraser li voye nèg yo dans caserne Saint-Marc l'a fini habitants yo yo mette yo sous corde yo voye fort dimanche yo disparaît. Ou capable de dire que l'habitant ça est de droite, de gauche, du centre ou de l'extrême. Non, c'est habitant rien parce que Zakari te voulait voler terre et que le tuer. Son bagaille qui, à mon avis, qui égale d'ailleurs, qui semblait avec ça qui arrivait dans toute ville, côté gros chabrak en blé, t'es besoin de faire d'appuyance ou tel caille. Et puis, yo dénoncé ou comme camoquin, quoique nègre n'a pas de camoquin du tout, ni pas de politique, et puis yo fait d'appuyance ou caille. Alors, est-ce dans qui parti politique quoi mettre une victime comme ça? Expliquez-moi. Personnellement, moi toujours dit à l'origine, faut que nous séparer entre victime et héros. Mon yal fait d'appignon soit fait, ce qui pas de rien pour faire nos politiques, c'est victime yoyé. Mon yal râler dans cabane pour touyer l'ennui de le matin à la journée, c'est victime yoyé. Bonne famille que yo touyer Jérémy, c'est victime yoyé et encore encore. Cependant, ça qui militant yo ça qui quand coulait 13, c'est pas parce que j'ai deux petites là-dedans. Qui était ça yo t'a fait non pays pour venir attaquer le gouvernement pour essayer de renverser, ce sont des héros. C'est pas même catégorie. Ya. Et me trouver qu'à victime là plus grave que qu'à héros parce que héros il était connaît qui risque la courir. Vous comprenez? Oui. Là où vinn moi un petit bail très sensible là quand même. Vendredi l'homme des fois dimanche, moi rencontré avec un groupe de jeunes gens qui n'ont pas 20 ans. Dis-moi. Et puis, bon, je suis entré dans la cour, je suis un homme qui est très sensible, je reconnais deux, trois frères amis qui mourent. Je reconnais deux, trois mamans amis qui mourent. Même mon beau-frère, il a écrasé le 26 avril. Mon frère, il était mort dans le pied de travail le 29 juillet. D'ailleurs, il a écrasé le. Bon, moi-même tout. Je me disais, moi pas. Donc, je suis toujours ému. Et puis, il y a un groupe de jeunes gens qui prochaient regarder moi. Il dit, vous reconnaissez moi, monsieur, comme moi, dans la télévision, tout le monde qui m'a dit, il dit, monsieur Jean, expliquez-nous, Jean. Comment il y a Mulat qui était mort tout? Il a été tué Mulat tout. Ti jeune yo pas connaît. Ou dit le groupe des 13. Eh bien, bébé, dis-nous, ça depuis dit tout yo, t'es fait, ça groupe des 13 là, et puis Ralva dis-nous comment après groupe des 13 là, ça que t'es passé, Jérémy. Groupe des 13 là, c'est difficile pour me parler avec nous de ça, parce que je suis toujours très bouleversé. De vous parler. C'est jeudi pour la première fois. Deux petits garçons qui étaient là-dedans. Comment étaient les deux petits garçons? Max et Jacques Armand, 24 et 25 ans. Ils étaient là-bas, ils ont étudié, ils ont travaillé, ils ont marié le grand petit là-dedans. Deuxième, leur fiancé. Ils sont contents, ils ont débrouillé. Ce n'est pas des gens qui étaient malheureux qui viennent chercher un job en Haïti. Tous ces messieurs 13 là, ils étaient dans le même cas. C'est des gens qui travaillent nuit et jour pour mettre l'argent de côté, pour être capable d'acheter des armes pour venir en Haïti. Parce que l'aide te promet, tu as été conditionné. Et tu as refusé les conditions. Donc, tu as décidé de faire pour que tu accompagnes avec force poignée, avec l'argent que tu as fait collecte dans la diaspora là-bas. Là, tu as décidé que tu es venu pour en tête de pont, pour préparer masse. Paysan là yo expliquer au cas pour capable soulever yo pour renverser Duvalier. Le yo pas recevoir aide qui te promettre là ba kon qui côté ça sorti mais le fait est que yo parlé Duvalier de ça que t'a passé hein et Duvalier était paré pour le cueillir yo à leur arrivée. Bon même cardio moi même on est gueule Serge Beaulieu que tout le monde connaît qui côté lié quoi là puisque yo t'ai l'envie de sur le journal là ça. Monsieur t'ai infiltré groupe là. Monsieur voyer numéro alien card ti monsieur yo, bay François Duvalier, li voyer numéro passeport yo, portrait tout bagage. Ça clair. On va pas bien cacher l'ombrite quoi là. Portrait qui dans journal là yo, qui dans communiqué justement comme t'as gardé matin, c'est portrait photo passeport yo que yo t'ai reproduit dans communiqué. Et d'après ça me comprendre avant que monsieur parti, il était quitté tout passeport ça avec un haïtien New York. Qui monde qui communiquait? Par contre si c'est sûr, je voulais me tendre dit non, mais moi même pas aimer parler de citer un nom si me pas gagne assurance non, que non, c'est vrai. Non, c'était dans journal bon, l'opposition à l'étranger. Ah bon, c'est pas que c'est impossible à lui, non, après tout bagaille il fait, vous comprendre? Mais c'est difficile pour moi condamner sans pas connaître exactement. Mais le fait est que gagne un haïtien là-bas qui t'ai voyé renseignement ici. Tu as 350 autres monde qui avec un père de père Georges que me pas que Jean-Baptiste George. Oui. Il était ministre de l'éducation nationale François Duvalier l'a fait paraître depuis qu'Azon quitté ça et puis passé à l'opposition. C'est ça. Le yo rivé Miami pour yo prendre bateau pour yo venir ici, américain yo bloqué yo. Si bien que 13 messieurs étaient isolés, yo t'allé en tête de pont et puis yo trouvé au pour compte yo sans âme, même radio yo t'ai porté pour communiquer avec l'autre là yo. Radio a disparaître, paraît-il, dans le bateau pendant qu'il y a venu, radio tombé dans la main. Ils ont même dit que c'est peut-être un 13 là, qui était largué bateau. À concours, si tu as gagné un Judas, ou alors est-ce que tu es 14, gagné qui disparaît, je ne sais pas. Mais bon, c'est bizarre avec l'histoire de radio-communication qui n'a jamais arrivé. Je n'ai pas de détails sur ces jours ici. Tout ça me connaît, c'est que tu es vivant avec paysans yo, et que paysans étaient tellement persécutés par Marcout et par l'armée. Que yo fini par dit qui côté yo t'ai caché. Pour baraya chil là, me connais ses premiers postes yo t'ai prend, la chité caporal quoi, il blessé, yo t'après tuer li, l'autre groupe là, reste groupe là dit ah nous pas capable quitter le nom, faut que nous tuer li. Et gien là d'ailleurs qui dit non, d'après convention de Genève, nous pas capable tuer, faut nous soin li. Yo soin li, yo mettre sous bruit que voyer le Port-au-Prince. Là le palais, il dit yo 13 seulement, c'est jusqu'à ce moment palais pas de connaît comme yo t'ai. Il y a 13 seulement et il y a tel endroit, et c'est comme ça que vous voyez, et l'armée et ma coude pour venir. Moi-même, je suis là, je suis là. Et la donne, il y a deux petits messieurs qui étaient mon pau. En plus. Petite sang, moi. Petite sang. En plus de Drouin avec Numa. C'est bien ça, Ralph. Il y avait Drouin, Numa, Gerdès, il y a un pau. Busleville, Drouin. Busleville, Drouin. Badestrand. Badestrand, Forbin. Mm-hmm. Tu as encore. Tu es chez Armanyo. Armanyo et tu as l'autre type. Larac. Ils vont Larac qui ont été exposés. Dans le coin aéroport. Il y a Numa. Numa à Douin, c'est deux saillots. Le fusillé dans le coin que Franco, même par coup de grâce. En bas, de télévision. Oui, bon chandelier. Mais qui parle ça? Il faut jeunesse l'attendre. Parce que le pas qu'on histoire ça. Il faut nous réaliser nous-mêmes, nous, enfin, pas dire nous, grand monde. Moins jeune. Nous avons un certain âge. Non, bébés sont jeunes, dit demoiselle. Mais nous sommes jeunes de certain âge, et petits jeunes qui, pour qu'on ait l'âge, ils n'ont pas connu toute histoire, ça. Ça, il est le groupe des 13, ils ont débarqué pour Jérémy, ils ont besoin de faire guérilla. Tant que, dans Cuba, contre Batista, ils ont négligé les Fidel Castro. Tankoun en Nicaragua, te gon groupe Sandinis, contre Somoza. Yo même, yo te vle établi sa relé, sa Che Guevara te relé, un foco. Autant de foco pour lutter contre la dictature, autant de foyers de guérilla, autant de foyers de lutte contre la dictature. Bon, alors ça, ti jeune nou yo pas comme ça. Et il est intéressant parce que Duvalieris là non seulement le crasé yo, d'écraser famille, mais lui effacer incident ça de mémoire collective là. C'est ça qui est plus grave là, et c'est ça qui mène nous justement à comité Pablier, qui voulait joindre un bagage en bagoum du Valéris, qui était effacé événement ça avec héroïsme de jeunesse haïtienne. Ralph. Et c'est en sens ça que exposition photo que nous devons faire, avec un maximum de photos de tout le monde qui tombe, pensez que avec une certaine littérature en bas chaque photo nous t'a capable expliquer à qui appartenance moun sa te fait partie dans qui groupe li teye l'œil tombé s'il était victime s'il était héros s'il était militant s'il était de droite s'il était de gauche parce que ça t'a permettre que mémoire jeunesse ça li fait pour connait que à l'avenir faut goumer pour bay ça yo pas refait. Mais après cette affaire là de 13 si monsieur ça débarqué dans sud là, la majorité un bon parti là-dedans était originaire de Jérémy. Et c'est à suite de bay ça que tout reste quoi de famille nèg ça yo qui était Jérémy passé par le feu parce que François Duvalier bay l'ordre exterminer famille yo. Bon, c'est ça. Nous supposer que c'est Duvalier qui était bay l'ordre là. Est-ce que c'était cette zèle responsable Jérémy à l'époque yo? Mais le fait est que ces gens-là ont été arrêtés, ils ont été arrêtés Mounzayo et c'est en prison Jérémy que ils disparaissent. Donc nous pensons que il y a des livres qui écrit que il y a des officiers qui dit que pas de gain officier supérieur qui était responsable. Oui, regarde là, essayer de défendre tête lui entre autres bien que il était là. Bon, sur le champ et c'est possible, il était un militaire que vous voyez à Algoumet et nous pas qu'à mettre en question le fait que monsieur Algoumet parce que tu ba l'ordre c'était Douali Kankou Doua petit monsieur ça c'était Devoali. C'était Devoali. Kankou c'était Doua petit monsieur pour te vinn Goumet tout. Absolument. Mais attention hein, on nous mettons bail clair pour jeunes qui écoutent nous. Si un officier force armée d'Haïti recevoir l'ordre pour Algoumet contre guérilla, ça, c'est deux voiles pour l'obéir. Mais attention, mais si un officier, un soldat force armée d'Haïti recevoir l'ordre pour massacrer un prisonnier dans une prison, ça, il gagne un devoir moral de désobéir. Il faut ça établir clairement dans le pays d'Haïti qu'il y a. Définitivement. Et c'est en ce sens que je pense que responsabilité officier qui était responsable Jérémy Sayo, il n'y a pas qu'à dire que c'est, pardon, que c'est l'homme, mais tonton Makout, il était en prison. Et yo t'a arrêté yo en même temps avec des autres monde que yo vinn lagué par la suite parmi lesquels le pasteur Rokou par exemple qui a raconté bouleversant témoignage de sale vive de sale ouais. OK, donc ça veut dire que moun sa yo c'est là un poste militaire que yo disparaît et les caillots yo pillé caillots et etc. Et yo même arrêté les maris de mesdames Douin yo qui patan rien yo pas même dans la famille Douin parce qu'ils étaient yo étaient des alliés yo ramassé tout le monde. Et yo prend les Douin, les villes Douin, les Sansarik, Guilbeau, finalement gen peu près d'un 50 à 60 moun qui étaient disparaît innocemment, moi kan di, parce que des l'autre victimes que moun sa yo c'est des victimes innocentes de régime Duvalier, y compris des petits moun que yo prétendent que yo étaient passé à la baïonnette. Il dit qu'après ce massacre, il s'est trouvé certaines intellectuelles pour dire en justifiant ce crime. Le ciel leur est tombé sur la tête. Et c'était bien fait. Oh. Et dire. Mais oui, bébé. Calmons-nous. Calmons-nous. Pour le dire et pour l'écrire. Bon. En ouais. On nous pousse devant parce que nous avons un comité pablier. Bon. Comme nous avons parlé de comité pablier, nous, donc, comme vous connaissez un petit genre. Comme du aussitôt qui m'ont moyé. Moi j'étais hors de mon pays pendant 33 ans. Fololé. Visité 35 pays, je travaille pour les Nations Unies. Je travaille dans 35 pays différents. Là yo dit moi font crise cardiaque, m'pa gen pour longtemps, dit mes derniers mois mieux moi le passer en Haïti pour travailler pour peuple moi parce que c'est ça ti mon le t'a fait, t'a paré koyo pour nous tourner venir faire développement communautaire rural ensemble en Haïti avec paysans yo que nous terrain yo. Que nous aimer. Là moi retourné en 78. Moi venu pour travail pour rester en Haïti. Si m'était pas du Valérisme, m'pas ta venir l'heure puisque du Valérisme était là. Et m'pas te cacher qui mon m'était tout monde te connaît. Moi font travail volontaire pour le ministère du commerce, moi dit moi volontaire mais moi c'est Marie-Thérèse Anto, c'est maman Max et Jacques Armand, c'est ancienne épouse de Benoît Armand qui était assassiné en 63. Moi pas voulais fonctionnaire du gouvernement à aucun prix, mais moi voulais font travail gratis pour me quitter en bagaille, non pas pour un gouvernement, mais pour le pays. Donc, c'est toute bagaille que vous connaissez. Si je suis décapant, si je ne suis pas d'accord avec sa petite moyenne fait, voilà je ne suis pas venu. Je ne suis pas voyé, je ne suis pas connu à venir. Mais je suis élevé avec un respect du pays, avec un nationalisme, vous comprenez, un patriotisme. Et parfois, je me reproche de tête, je me dis que je suis mal élevé, c'est pour t'élever, pour tête comme vous autres. Yo ta là toujours. Bon, ça sont notre histoire. Kounye a, chapitre ça étant fermé, position pas oublié. Nous rester sous position que nous pas capable faire exposition en l'heure. Déblosage 29 novembre 27. Rivé. Nous décider, m'bat là l'heure, mais la décision a été prise pour nous mettre dossier yo à l'abri pour pas déchouquer. Parce que j'ai déchouqué tout partout, j'ai déchouqué CEP, etc. Ah bon, c'est ça. Parce que ça fait me songer, mon côté, me tendre, me basonger qui côté, que il y a un groupe, n'a pas oublié, qui accuse l'autre groupe de ce que vous faites d'appuyant sous portrait les morts. Guylaine, est-ce que tu as un petit détail sur la question ça? Apparemment, il dit ça. Mais au fait, en dehors de répression du Valéris, là, que nous t'es peur à l'époque, nous t'es peur d'appuyant que un peu de monde t'es besoin de faire sous document. Yo, parce que t'es besoin d'offrir yo, un fois, by CEP, qui t'es soi-disant besoin pour by canet à certains monde. Et là, nous pas d'accord parce que le comité pas de billet n'a pas de constitué pour ça. Et famille n'a pas de bonne photo pour ça. Que moun qui t'es venu demander une photo, yo, et le baba yo, parce que yo pas de membre comité pas oublié, était accusé me le ça que c'est moun kankoum qui fait que Maniga monte au pouvoir et des Maniga va retourner au pouvoir. Que l'autre monde qui t'es venu demander yo pour ba avril yo. Le ça m'était jugé qu'il valait mieux que photo yo. T'es en lieu sûr parce que t'es que trois candidats qui t'es besoin yo. C'est pour ça que nous prenons nous voyons yo à l'étranger. Pour être en lieu sûr, mais à la disposition du comité pas oublié. Le a jugé que l'innécessaire que yo ici. Très bien. Donc, si me comprenne bien, première tendance que nous te gagnons pour nous mettre photo que parents victimes yo te confié nous, c'est bien ça. C'était photo que parents victimes yo te confié nous personnellement. Absolument. Ah bon. Oui. Photo ça yo, nous te gagnons nous te commencé prendre décision pour mettre en lieu sûr après massacre 29 novembre, non? 87 là après massacre élection yo, et au fur et à mesure que nous senti que tu as gagné des tendances pour utiliser photo ça yo à des fins pour yon ou l'autre leader politique, c'est ça? Absolument. Très bien. Bon, alors je crois que nous t'as qu'à tourner sous deux ou trois questions sous Ningyang ça n'a pas tourner sous yo. Même j'ai l'impression, bébé, là, li, on guêpe dans une ruche, parce qu'on a pile bagay dans Diakoutou, sous projet que tu as gagné pour le comité Pablié, capable de mettre en application le programme, bébé. C'est ça. Moi-même, ça compte est fait dans les jours, les semaines, les mois qui viennent. Nous besoin un programme d'unité pour nous faire ensemble. C'est un premier bagage que nous avons réalisé. C'est nous tous ensemble, quel que soit, même ça qu'a critiqué nous, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas les pays, ce n'est pas le groupe. Ça nous voulait faire. L'œil aurait l'aime pour demander une photo à eux, obtenue que photo est venue. Moi, je dis, à mon avis, le 8 février, pas un bon jour pour nous faire une exposition de photos, parce que ça va être l'euphorie. Pour quelqu'un en pile monde, ça nous cap fait le 8, c'est prendre possession officiellement de local là, faire une pause de première pierre, faire un discours, parler de plan pour reconstruction et de plan de musée et annoncer une exposition cap faite avec dignité et solennité le 26 avril, qui est un jour plus approprié étant donné que c'est souvenir premier massacre en famille que nous avons gagné. Bon. Évidemment, l'autre là, pas d'accord. Je consultais à peu près 10 membres de Pablié. Tout le monde dit 26 avril, 26 avril. Bon. Alors, yo dit moi que je pas de vle que l'exposition faite, ce n'est pas vrai, puisque c'était le premier but depuis 87. Mais au contraire, nous voulons que le fait dignement. Vous comprenez? Et que tout le monde a une plus grande chance de participer. Il y a un pile monde en 87 qui peut participer. Jusqu'où il y a des gens qui refusent bonne photo, ils disent pas réveiller le chat qui dort. Vous comprenez? Donc, qu'il n'y a que dans point question de zing-zang politique, élection fine faite, vous comprenez? Nous avons plus de chances que nous font une exposition paisible avec une plus grande participation, une participation rassurée. Alors, c'est ça que nous voulons faire, qu'il y a. Que exposition en fait le 26 avril. Nous, même matin, nous avons rencontré un monde qui est dans la diaspora pour le contacter. De Patrick Lemoine, il pourra contacter des victimes qui sont capables là-bas ou des parents de victimes pour prendre aussi à eux, voyez pour nous espérer diaspora va capable venir tout le 26 avril dans mes petites ma petite venir participer, vous comprenez, pour nous font grande manifestation de mémorial côté toute religion, toute classe sociale, tout groupe politique pour là. C'est ça qui grand ambition. Guylaine, oui. Mais vous devez ajouter que l'exposition, ça qu'on a fait, à nous voulons que son exposition permanente. Ce n'est pas pour l'exposition qu'on a fait seulement le 26 avril, son exposition qu'on a arrêté dans Fort Dimanche. Là, nous, en tant que musée, j'en ouvre les fêtes là. C'est certain, seulement, il y a un bagage qui est intéressant. Tout. Si diaspora a participé, que toute diaspora n'a pas venu ici, c'est que nous avons fait une exposition itinérante. Permanente et itinérante. Et itinérante, qui pourra aller dans les villes des États-Unis pour tout Haïtien caboué. Le fini là-bas en Europe. Le fini là-bas en Amérique latine. Le fini là-tounet. Le fini là-tounet. Non. Donc, ouais, pour qui ça, nous besoin statut solide pour nous organiser, nous, comme se doit. Et ça, c'est le premier point.